Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qui pousse à migrer ? Quelles sont les théories de la migration ? S'interroge le démographe anthropologue François Héran. Agrégé de philosophie, longtemps démographe sociologue à l'INSEE et l'INED, François Héran, titulaire de la chaire Migration et Société, se partage désormais entre le Collège de France et la direction de l'Institut Convergence Migration. Dans le cadre de sa nouvelle série « Pourquoi migrer ?», il propose d'interroger les facteurs déterminants des migrations. Les deux premiers cours de cette série ont questionné notre façon d'appréhender les flux migratoires et d'interpréter les données démographiques. François Héran a notamment évoqué les débats autour des approches et des projections. Aujourd'hui, il questionne les analyses interdisciplinaires sur les ressorts des migrations. Nous découvrons le comité Massé et comment les travaux du démographe Douglas Massé ont fait date. À partir de quand a émergé la notion de capital humain et comment cette notion intervient-elle sur l'analyse des migrations ? Comment, malgré tout, les États demeurent-ils la clé à toutes les étapes du processus migratoire ? Nous gagnons le Collège de France le 17 janvier 2019 pour le cours du démographe François Héran « Pourquoi migrer ?» 3e opus. Pourquoi migrer ? C'est ce qu'on appelle, chez les spécialistes des migrations, la théorie des migrations. Les auteurs anglo-saxons parlent de « migration theory »,« theories of migration », pour désigner le traitement de la question de savoir ce qui pousse à migrer. Pourquoi les gens migrent-ils ? Quels sont les ressorts internes, externes, micro, macro, etc. de la migration ? Alors, à cette question d'apparence simple, il existe déjà dans les discours communs, dans le débat public, il existe déjà des réponses toutes faites, qui sont assez complexes en réalité. Et ces réponses sont de nature très disparate et elles peuvent elles-mêmes porter la trace de théories savantes un peu anciennes. Par exemple, une des plus courantes consiste à dire que les migrants sont poussés par la misère, ils sont attirés par les richesses supposées des pays du Nord, ce qui n'est pas faux, évidemment, toute chose égale par ailleurs, mais dans le discours public, voire politique, ça se transforme parfois dans une version assez particulière qui est la quête de l'Eldorado. C'est une expression qui est extrêmement utilisée, mais qu'en général, on utilise sans trop y réfléchir. Et ce modèle, donc, souligne à la fois l'existence de facteurs répulsifs dans le pays d'origine, c'est ce qu'on appelle en anglais les « push factors », et l'existence de facteurs attractifs, évidemment, à l'autre pôle de la migration, les « pull factors ». Donc, c'est un modèle logique. La migration internationale a pour principal ressort dans ce modèle les écarts de revenus, les différentiels de rémunération, comme on dit parfois, ou de richesse, qui séparent les régions, qui séparent les pays. Et cette théorie, d'ailleurs, vaut aussi bien pour les migrations internes que pour les migrations internationales. Mais, évidemment, la métaphore de l'Eldorado, elle, va au-delà de ce modèle push-pull. Elle véhicule une critique, finalement, du comportement des migrants. Un, ils convoitent nos ressources. Deux, ils surestiment l'ampleur de ces ressources, en semblant croire qu'elles sont illimitées. Et trois, leur appétit démesuré constitue donc une menace pour notre stock limité de ressources. Alors, soit dit en passant, l'Eldorado, c'est un modèle occidental, c'est un mythe occidental. Les Amérindiens, voyant la soif de richesse qui dévorait les conquistadors, avaient compris qu'il valait mieux les détourner vers une contrée plus lointaine, c'est à la troisième montagne à gauche là-bas. Et donc la quête de l'Eldorado, c'est la fièvre de l'or, c'est la migration, c'est la ruée vers l'or, On a des exemples historiques de migration qui sont effectivement attirés par la quête de l'or. À la fin du XIXe siècle, la ruée vers l'or de Californie a été le premier facteur, le premier épisode qui a attiré des migrants chinois. Les migrants dans certaines provinces chinoises avaient entendu parler de l'existence de mines d'or en Californie et certains se sont déplacés là-bas et c'était un des débuts de la migration chinoise vers les États-Unis. Donc il y a du mythe là-dedans, il y a des bouts de réalité, enfin, c'est déjà assez compliqué. Alors, les protagonistes du débat public qui utilisent cette expression, évidemment, veulent suggérer par là que la migration venue du Sud repose sur une croyance, au fond, illusoire, qu'elle relève du mirage, une convoitise déraisonnable, voire irrationnelle. Et la raison, par conséquent, impose de dissiper l'illusion. Et je me souviens d'une interview de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris. J'ai peut-être déjà raconté cette anecdote à l'époque où Sangatte était encore en plein essor. Je vais aller demain à Sangatte expliquer aux migrants que l'Angleterre n'est pas l'Eldorado. Textuellement. Alors, son plaidoyer n'a pas été très convaincant, semble-t-il. Mais c'est là un exemple, parmi d'autres, parmi bien d'autres évidemment, des représentations communes qui circulent sur la migration et ses ressorts. Elles doivent souvent leur force au fait qu'elles pointent du doigt des réalités indéniables, en l'occurrence l'existence d'écarts de richesse qui alimentent le désir de migrer, mais aussi la détention d'une information imparfaite sur les opportunités réelles du pays de destination, et ce sont là deux questions tout à fait centrales dans la théorie des migrations. Et en même temps, ces représentations communes sont assorties d'un jugement de valeur souvent expéditif sur le comportement ou les motivations des intéressés. En l'occurrence, on leur prête un comportement qui est à la fois intéressé et irrationnel, ce qui est évidemment problématique. On sort du modèle économique selon lequel le migrant voudrait tout simplement améliorer ses chances en plaçant ses atouts sur un meilleur marché. Ça, c'est la théorie économique. Et on saute dans un modèle plus anthropologique ou psychologique, beaucoup plus sommaire, celui d'un appétit démesuré, voire irrationnel, pour nos ressources qui sont en quantité finie. Alors, la théorie classique postule que l'intérêt mène le monde et que l'organisation des marchés permettra de satisfaire les intérêts de chacun. Mais l'image populaire de l'Eldorado, évidemment, suggère autre chose. Elle suggère l'idée d'une autre forme de lutte pour l'accès aux ressources. Et cet entremêlement d'hypothèses réalistes et d'imputations sauvages vient singulièrement compliquer l'élaboration d'une théorie des migrations. Alors, pour leur dire autrement, la théorie des migrations interagit avec ce que l'on appelle en sociologie la théorie de l'action. La théorie de l'action, c'est un questionnement simple. Qu'est-ce qui fait courir les gens? Qu'est-ce qui nous fait courir? Agissons-nous, avons-nous le choix d'abord? Ou est-ce que nous sommes le jouet de forces qui nous dépassent? Agissons-nous par conformisme, par habitude, par intérêt, par devoir, en vertu d'un certain nombre de principes, en suivant un certain nombre de valeurs? Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose pour rien, de faire quelque chose par amour, par exemple, etc.? Donc ça, c'est les questions de ce qu'on appelle la théorie de l'action. Et cette question se pose d'ailleurs pour tous les acteurs du phénomène migratoire. Alors je vais faire une petite digression là-dessus, pas seulement les migrants. Qu'on se souvienne des multiples commentaires qui ont circulé dans la presse pour tenter d'expliquer le comportement d'Angela Merkel, comportement inouï, puisqu'elle annonce solennellement à la fin du mois d'août 2015 que l'Allemagne était prête à accueillir 800 000 demandeurs de refuge. Tout a été dit sur ses motivations. Les valeurs chrétiennes d'une fille de pasteur, ça a été écrit par pas mal de commentateurs, sensible donc à la détresse des migrants, au fond l'esprit de charité, qu'elle a d'ailleurs elle-même validé, parce que devant le congrès de son parti 15 jours après, elle a expliqué que les migrants n'étaient pas des migrants, mais que c'était des personnes et qu'ils étaient tous enfants de Dieu. Ce genre d'argumentaire qui évidemment serait impensable au congrès d'un parti politique français. Donc... Et là, validé, entre autres, l'interprétation qui est que, oui, il y avait une urgence humanitaire à laquelle il fallait répondre grâce à des valeurs chrétiennes. Alors, il y a eu d'autres explications qui développent un peu ça. Au fond, la volonté de rendre à l'Allemagne son magistère moral. La fameuse compensation ou réparation morale, la Wieder Gutaufmachung. Il y avait aussi, par ailleurs, de toutes autres explications qu'on trouvait plutôt dans les journaux économiques. Alors, la volonté de puissance de l'Allemagne, affirmer l'hégémonie d'Allemagne en Europe, la volonté de satisfaire les besoins des entreprises en main-d'œuvre, la claire conscience qu'elle avait de l'état désastreux de la pyramide des âges allemande, parce que c'est un pays qui a plus de décès que de naissances depuis de longues années, et que Normalement, selon les projections de l'ONU, l'Allemagne devrait perdre un tiers de sa population d'âge actif dans les 50 prochaines années. C'est quand même ça que... Donc, l'utilitarisme démographique, si vous voulez, en quelque sorte. Les migrants utilisables comme ressources pour compenser, pour boucher les trous de la pyramide des âges. Le remplacement, finalement. Et puis, il y a aussi l'inconscience. Elle est folle. C'est de la folie. Ça, c'est une explication qui est quand même très courante et à laquelle on a souvent recours pour expédier, pour expliquer les choses. « Explaining away », disent les Anglais. Expliquer pour expédier la véritable recherche des causes. Donc, le catalogue des motivations imputées à la chancelière par les éditorialistes a couvert tous les ventailles des possibles. Des motivations les plus personnelles aux plus politiques et les plus utilitaristes aux plus désintéressés. A-t-elle agi en tant que chrétienne, en tant que chef d'État, en tant que chef économiste de la maison Allemagne? A-t-elle simplement réagi dans l'urgence? Ou s'est-elle laissée guider par une vision à long terme? Il n'est pas sûr que la lecture de ses discours du moment nous livre la clé recherchée, d'ailleurs pas plus que la lecture des mémoires que peut-être elle rédigera un jour. Nous pressentons que plusieurs clés d'interprétation sont possibles, mais peut-être pas au même degré et pas au même moment, finalement, dans la prise de décision, parce qu'on peut aussi changer de motivation en cours de route. Et si vous allez, comme ça m'arrive parfois, dans des réunions d'organisations humanitaires et que les gens s'interrogent sur la motivation, mais souvent la motivation première pour aider les migrants, par exemple, ça a été effectivement la compassion, ça a été la capacité à se mettre à la place d'autrui, ça a été des considérations de ce genre. Et puis ensuite, il y a un approfondissement des motivations et ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus collectif ou à long terme. Voilà. Alors, l'exemple d'Angela Merkel est un peu déplacé ici, puisqu'évidemment, il s'agit de la décision d'accueil prise par un chef d'État, alors que la théorie des migrations dont je voulais parler a pour objet d'éclairer les motivations des personnes qui songent à migrer. Mais je voulais simplement montrer combien est limitée notre capacité à imputer à autrui des motifs ou des mobiles. Il ne faut jamais sous-estimer cette difficulté. Maintenant, à y regarder de près, je perçois un lien. La décision de migrer peut évidemment dépendre de l'information qu'on a sur la volonté d'hospitalité, le niveau d'hospitalité d'un pays comme... et évidemment, si un grand pays comme l'Allemagne se déclare ouvertement prêt à vous accueillir, ça peut être une incitation à migrer. On sait que nombre d'exilés syriens, qui étaient parqués dans les camps de Turquie, à la frontière syrienne, ont emprunté la route des Balkans en réagissant au message d'Angela Merkel. Et après 3 ans de crise migratoire, nous savons maintenant que les Syriens représentaient seulement 3% des demandes d'asile déposées en France contre 33% de celles déposées en Allemagne. Donc il y a eu un effet, non seulement lié à l'attractivité du pays, mais aussi évidemment à la volonté d'hospitalité qui a été affichée. Parce qu'évidemment, il n'y a rien eu d'équivalent au discours d'Angela Merkel du côté de François Hollande. Alors, on ne peut pas s'étonner que la décision de partir pour un pays donné soit sensible au niveau d'hospitalité affiché par les autorités du pays. Voilà, donc c'est un élément de plus à intégrer dans la théorie des migrations. La politique migratoire des États, évidemment, peut avoir des effets incitatifs ou dissuasifs sur la décision de migrer. Et comme le dit mon ami James Holyfield, l'État compte, state matters. En réagissant aux théories de la migration qui, en fait, prophétisaient depuis 2 décennies l'effacement progressif des États. Et ça peut paraître évident aujourd'hui, mais longtemps, et pour des raisons que j'exposerai le moment venu, les théories disponibles sur les ressorts de la migration ont vraiment fortement minimisé le rôle des États, et pour certaines, elles ont même théorisé leur effacement, en expliquant que finalement la migration se jouait dans une sorte de jeu global, transétatique, par-delà les frontières, un jeu mettant face à face, d'un côté, le migrant victime déraciné par la mondialisation, mais qui est en même temps le migrant stratège capable de déjouer les contrôles de l'État, se jouant des frontières pour aller offrir à bas prix sa force de travail, dans une espèce de ruse de l'histoire assez particulière. Et puis, de l'autre, en face, les acteurs supranationaux de la globalisation, les multinationales notamment, grands utilisateurs de cette main-d'œuvre flexible et vulnérable, et puis suffisamment habiles en même temps pour doter les migrants des outils qui vont faciliter la migration. Transport low cost, circulation en ligne instantanée des informations, mise en réseau des diasporas, etc. Donc ces théories, et là on peut attacher à ces théories le nom de Saskia Sassen, dont j'exposerai en détail le moment venu les différents développements, ces théories évidemment ont pris du plomb dans l'aile depuis la crise européenne des migrants surgie à l'été 2015, puisque une des leçons à retenir de cette expérience massive, c'est le constat que l'État reste malgré tout, s'il avait jamais cessé de l'être, reste un acteur absolument clé dans le déclenchement des migrations et dans la régulation des migrations, en tout cas des migrations extraordinaires, les migrations de refuge. Et je ne cesse de le rappeler, les pays européens affichent des écarts considérables de 1 à 700 dans le nombre de décisions positives rendues en faveur des demandeurs d'asile, quand on les mesure bien, c'est-à-dire proportionnellement à la population, par million d'habitants du pays hôte. De 1 à 700, ce sont des écarts absolument énormes qui montrent que la variable État, évidemment, joue un rôle considérable. Oui, les États comptent à tous les stades du processus migratoire et manifestement, ils ne sont pas prêts de lâcher prise. Or, l'action de l'État, qu'il s'agisse de traiter les candidatures au séjour ou les demandes d'asile, consiste précisément à classer les candidatures par motif, hein, par catégorie de titres, et en triant les motifs légitimes, les motifs illégitimes. Les administrations d'État développent elles-mêmes une théorie des migrations en acte. Quand elles classent les migrants par catégorie de titres de séjour et quand elles tentent, en analysant les récits de persécution des demandeurs d'asile, de vérifier si les mobiles individuels cadrent avec les motifs officiels légitimes. Est-ce qu'on a été vraiment personnellement persécuté? Est-ce que vos proches ont été vraiment menacés? Est-ce qu'on a vraiment milité, etc.? Est-ce qu'on n'utilise pas la procédure à d'autres fins? Voilà. Donc, le sondage des motivations est quelque chose de fondamental maintenant dans l'action de l'État quand il doit traiter des candidatures à l'asile ou même des candidatures au séjour. Par exemple, on vérifie si le conjoint qui veut se rapprocher a vraiment une vie maritale. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Enfin, il y a des signes d'amour qui peuvent être utilisés dans la preuve requise de la vérité, de la réalité de la vie maritale, par exemple, dans les rapprochements de conjoints. Alors, je reviendrai aussi sur le fait que l'analyse des mobiles vient également de s'étendre aux citoyens et aux collectifs qui apportent une assistance aux migrants. Est-ce qu'ils agissent dans un but lucratif ou désintéressé? Est-ce qu'ils agissent au nom d'un idéal d'assistance humanitaire ou pour contrer la politique gouvernementale dans un but militant? Là encore, voilà un domaine. On le voit finalement dans le domaine des migrations, tous les acteurs en présence, en fin de compte, tentent de sonder les intentions d'autrui, d'agir en conséquence, et les chercheurs, finalement, font partie de ces acteurs qui essaient de comprendre les intentions d'autrui. Alors, cessons maintenant de tourner autour du pot et voyons comment les chercheurs en sciences sociales ont cherché à analyser les ressorts des migrations. Alors, commençons par les travaux du comité Masset. C'est une initiative de l'Union internationale des démographes. Il existe depuis les années 20 une union internationale, l'UUSP en français, IOSSP en anglais, qui réunit les démographes du monde entier. Il se trouve d'ailleurs qu'elle a son siège à l'INED, à Paris, mais le plus grand groupe d'adhérents, c'est les Américains, suivi des Indiens. Il y a une longue tradition statistique et démographique en Inde. Et ensuite, les Français et évidemment la plupart des pays européens. Donc c'est une union très active, toujours aujourd'hui encore, qui est vraiment mondiale. Et de 1991 à 1996, elle a mis sur pied un comité qui a été extrêmement actif sur les migrations sud-nord. C'est le nom de ce comité, dont la présidence a été confiée à Douglas Stephen Massey. Alors Douglas Massey, c'est vraiment un personnage absolument central dans les études de migration à l'échelle mondiale, c'est une référence incontournable, j'en parlerai assez souvent. Il a été formé à la démographie à l'Université de Pennsylvanie, à Princeton d'abord, il a exercé à Pennsylvanie, il a exercé à Chicago, et ensuite il a terminé sa carrière à Princeton, et il vient de prendre sa retraite de Princeton. Donc, de 91 à 96, Douglas Massey, qui était alors professeur à Chicago, était connu parce qu'il s'était affirmé comme l'un des grands spécialistes de la migration mexicaine aux États-Unis. Et les publications qui avaient fait sa réputation dans le domaine migratoire avaient ceci de particulier, ce qui était vraiment rare à l'époque, qu'elles étudiaient la migration depuis le pays de départ et non pas depuis le pays de destination. Parce qu'évidemment, la facilité, c'est normal, c'est d'étudier les migrants autour de chez soi, c'est de regarder l'origine des gens, c'est d'explorer le recensement, les enquêtes, etc. Et la grande majorité des travaux qu'on a effectués sur les migrations, c'est les migrations, évidemment, au lieu d'arriver au pays de destination. Massé n'a pas fait ça, il a consacré l'essentiel de son énergie à étudier la migration mexicaine depuis le Mexique. Et on lui doit notamment le MMP, le Mexican Migration Project, qui n'a cessé de grandir au fil des ans et qui, à l'heure actuelle, est une sorte d'observatoire avec des tentatives d'échantillonnage. Enfin, c'est assez compliqué de savoir dans quelle mesure cet échantillonnage est vraiment représentatif. Il a fait des contrôles ex post, mais disons qu'il y a des discussions là-dessus. Mais enfin, au total, 150 communes qui d'abord étaient réparties dans le nord-ouest mexicain face à la Californie et que peu à peu, il a essayé d'étendre sur l'ensemble, à l'ensemble du territoire mexicain. Et vous voyez qu'il a ajouté à cette enquête, qu'il a régulièrement interrogé pour tester les différentes théories d'immigration, il a ajouté à cette enquête un échantillon de ménages mexicains installés aux USA, mais qui est en fait essentiellement un petit échantillon de contrôle, un échantillon témoin. Donc voilà l'œuvre de Massé, que Massé avait déjà commencé à élaborer quand il a été nommé président de ce comité d'immigration nord-sud en 1991. Alors, il a ensuite, d'ailleurs, je vous le signale au passage, bâti un observatoire des migrations latino-américaines sur l'ensemble des pays latino-américains, plus ambitieux, mais qui, quand même, a moins bien marché que le Mexican Migration Project, qui est plus facile à maîtriser. Parce qu'effectivement, le privilège qu'on accorde de facto aux études de migration dans les pays de destination soulève un problème de fond et de méthode. C'est un peu, vous savez, comme est-ce qu'on fait des généalogies ascendantes ou des généalogies descendantes? Ben, les deux ont leurs défauts et il faudrait faire en principe les deux pour essayer de compenser les défauts de l'une par les qualités de l'autre. Eh bien, on a le même problème quand on étudie la migration. Il y a des biais de sélection quand on travaille sur les pays de destination. Il y a des biais de sélection quand on travaille uniquement sur les pays de départ. On n'est pas très attentif aux biais de sélection ou aux biais d'observation que l'on subit quand on interroge, par exemple, les Mexicains installés aux États-Unis ou les Marocains installés en France, pour prendre un exemple. Parce qu'évidemment, c'est le moyen privilégié de retracer l'expérience de la migration, de décrire les conditions de vie des immigrés. On peut décrire ainsi leur insertion, leur intégration dans la société ambiante. On peut décrire aussi les liens qu'ils entretiennent avec la société d'origine. On peut s'intéresser au sort de la seconde génération si l'échantillonnage a été tiré en conséquence. En revanche, demander aux migrants pourquoi ils ont migré vers les États-Unis ou vers la France, ça n'apportera qu'une réponse partielle, et biaisée à la question soulevée par la théorie des migrations. Quelles sont les forces ou les raisons qui poussent les Mexicains ou les Marocains à migrer ou à ne pas migrer? Sachant que, je le répète à chaque fois, les migrants, ça n'est jamais qu'une minorité. Il n'y a que même pas 5% de la population mondiale à migrer. Et donc, une théorie des migrations doit être capable d'être une théorie aussi de la non-migration, si elle veut vraiment être complète. Et pour ça, il faut partir du pays de départ. Et il faut suivre les gens au fil du temps. Et c'est ainsi que Massé a procédé. Voilà, donc je ne vais pas entrer en détail dans le montage de ces enquêtes, c'est un sujet dont nous parlerons un jour. Ce que je voulais simplement dire, c'est que Douglas Massé était parfaitement conscient du biais qui affecte les études centrées sur les pays de destination, et donc cela lui donnait un avantage certain, c'est une des raisons pour lesquelles il a été choisi, pour présider ce comité, un avantage certain pour étudier les théories explicatives d'immigration depuis les pays de départ. Alors son comité a mobilisé des chercheurs de plusieurs disciplines, ça c'est le grand intérêt du comité Massé, démographie, géographie, sociologie, économie. On s'est aperçu après coup que ça aurait été bien aussi d'avoir de la science politique, mais la science politique n'était guère représentée dans cet ensemble, et cela suscitera des discussions par la suite. Alors, à l'époque, donc entre 91 et 93, armé toute une équipe, Massé a répertorié quelques 900 publications depuis les années 60 et le comité a livré une très vaste revue des théories de la migration internationale et aussi a essayé, dans une moindre mesure, de présenter une évaluation empirique de leur pertinence. Et aux yeux de Massé, il a répété à plusieurs reprises par la suite, il a publié plusieurs comptes rendus de cet état de l'art. Il s'agissait vraiment de faire une revue exhaustive de toutes les théories disponibles, couvrant les systèmes migratoires du monde entier, dans toutes les publications et dans toutes les disciplines. Donc c'était extrêmement ambitieux. Alors, son travail, le travail du comité Massé, s'est soldé par une imposante batterie d'articles, dont le plus connu est paru en 1993 dans la revue Population and Development Review, qui est la revue du Population Council, cette association privée qui conseille les grandes agences américaines et les grandes organisations américaines pour le placement de leur argent dans les projets de développement. Et cet article, vous voyez, a eu quasiment 6000 citations. Alors évidemment, il est ancien, hein, donc les citations sont occupées. Enfin, 6000 citations, c'est un des articles de démographie les plus cités dans la profession. Et donc, il a eu une influence considérable. Et puis, un livre est venu couronner le tout en 98, Worlds in Motion, donc la même équipe, et c'est la collection à Oxford de l'Union internationale des démographes, et c'est le best-seller des très nombreux livres qu'a publié l'Union internationale des démographes. Donc il y avait vraiment un besoin de pouvoir théoriser, de se référer à des modèles explicatifs de la migration dans toutes ces années-là. Alors Massé sera ensuite nommé professeur de sociologie et de démographie à l'université de Pennsylvanie. C'est l'université qui abrite un des 7 ou 8 grands centres de démographie aux États-Unis. Et il va encore publier d'autres versions du travail de son comité. Et j'utiliserai, moi, pour ma part, une synthèse « Why does immigration occurs? A theoretical synthesis ». Pourquoi l'immigration survient-elle? Une synthèse théorique qu'il a publiée dans un manuel, le « Handbook of International Migration », qui a été publié en 1999 par la fondation Russell Sage. Voilà, pourquoi ce choix? C'est parce que c'est une des dernières versions que Massé a présentées de cet état de l'art sur les théories des migrations, et qu'il a essayé de tenir compte dans cette synthèse de certaines critiques qui étaient survenues entre-temps, notamment la faible présence de la science politique dans sa revue de l'art, et donc du coup la quasi-absence de l'État dans sa revue des théories. Bon, je signale qu'on trouve évidemment dans la littérature d'autres synthèses sur les théories des migrations. Anja Zlotnik en 2003, Holyfield, 3 éditions successives d'un livre qui s'appelle Migration Theory depuis 2000. Et puis il y a le grand manuel de démographie qui est actuellement le manuel le plus répandu au monde, qui est Castles, De Haas et Miller. Voilà, mais on trouve aussi de très bons exposés en français, et Flore Gubert, qui est économiste à Paris Dauphine, a publié un article en 2010, est accessible en ligne sur les raisons de migrer. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous respectent le même canevas, ils respectent tous la même présentation des théories dans l'ordre qui a été choisi par Massé. C'est-à-dire, Massé a eu un effet très structurant sur la façon de se représenter les théories des migrations, et ça pose d'ailleurs un problème. Donc je vais reprendre le dernier exposé que Massé a rendu disponible. Il mérite un examen attentif. Et on va essayer de voir en quoi les 20 années écoulées depuis ont pu modifier notre compréhension des migrations. Massé commence par rappeler la chronologie des grandes vagues mondiales de migration depuis le XVIe siècle. Et quand on regarde déjà les 3 premières pages de son article, on voit que clairement c'est le point de vue des États-Unis qui est privilégié. Il y a en fait une vision assez statocentré, je ne sais pas comment, états-unio-centré. Mais je reviendrai sur cet aspect qu'on appelle le nationalisme méthodologique qui pose un problème dans les études migratoires. Alors, après cette brève introduction, Massé passe en revue 6 théories explicatives de la migration qui sont donc celles énumérées ici sur cette diapositive. Et en même temps, j'ai indiqué le nombre de pages qu'il y consacre dans son introduction, parce que ça dit assez son intérêt. On expédie la théorie économique néoclassique en 2 pages, ça c'est classique, elle sert un peu de repoussoir, c'est un peu la tête de Turc des études sociodémographiques de la migration. On montre que, heureusement, ce qui sauve un peu la théorie économique néoclassique, c'est qu'elle a débouché sur une nouvelle théorie économique de la migration qui prend en compte les négociations entre conjoints, le revenu relatif plutôt que le revenu absolu, enfin je vais en parler. Et puis on entre après dans des théories d'un tout autre genre, qui ne sont pas des théories micro, c'est-à-dire des théories du comportement présupposant l'existence d'un acteur rationnel. Là, on entre dans des théories très macro. Il y a la théorie de la segmentation du marché du travail, développée par Michael Piore. Il y a la théorie des systèmes mondiaux, Tout ça, c'est un peu l'idée qu'il y a évidemment une grande force de globalisation qui exploite la main-d'œuvre immigrée, qui exploite sa vulnérabilité et sa fragilité dans un système de partage entre les pays riches et les pays pauvres qui tente à se perpétuer. Et donc, vous avez là, dans ces deux théories, une vision très pessimiste ou négative de la migration. Elle va accroître les inégalités, alors que les deux premières théories, au contraire, reposent plutôt sur l'idée que la migration a un rôle de rééquilibrage et que, d'une certaine manière, les migrants, en allant se déplacer, comme le disait Adam Smith, hein, Adam Smith remerciait les pauvres qui avaient la bonne idée d'échapper à la poor law et d'échapper à leur paroisse et qui acceptaient de migrer pour pouvoir rétablir l'équilibre des salaires entre les régions pauvres et les régions riches. Et pour Smith, les régions pauvres, c'était l'Écosse, et les régions riches, c'était l'Angleterre. Donc, déjà des visions très, très différentes. Et puis, ensuite, Massé accorde 9 pages à la théorie du capital social et 5 pages à la théorie de la causalité cumulative, parce que ce sont ces deux théories à lui. Ce sont les théories qu'il ne cessera de promouvoir pendant des décennies. La théorie du capital social, c'est en gros l'idée que c'est les relations familiales qui permettent d'entretenir, de perpétuer des filières migratoires. Et on va discuter de cette question de savoir si l'expression de capital social est vraiment adaptée. Et puis la théorie de la causalité cumulative, c'est l'idée qu'il y a une boucle de rétroaction, que la migration s'auto-alimente d'elle-même, elle devient une culture de la migration, parce que les migrants qui migrent attirent d'autres migrants, affaiblissent la situation économique de ceux qui restent au pays, etc. Et donc, il y a une sorte de perpétuation de la migration grâce à toute une série de mécanismes. Donc, Massé va entamer sa revue des modèles migratoires en expédiant le modèle néoclassique. Et ce geste, comme j'avais déjà commencé à vous le dire, va faire école. On trouve la même chose dans le manuel de Castles, De Haas et Miller, qui est pourtant, à mon sens, le meilleur manuel de migration qui existe actuellement. Et on va retrouver ça dans à peu près toutes les autres présentations. Le Collège de France et France Culture vous présente le démographe sociologue François Héran, sa série « Pourquoi migrer ?». Explique tout de suite que le modèle néoclassique de la migration, c'est le modèle le plus ancien, mais pour lui, le plus ancien, ça veut dire le plus obsolète et le moins réaliste. Ce modèle existe en 2 versions, une version macroéconomique et une version microéconomique. Dans la version macro, les mouvements migratoires sont engendrés par les écarts géographiques de salaire, et j'avais commencé à exposer dans la leçon inaugurale ce modèle gravitaire, hein, l'idée qu'il y a 2 régions qui peuvent être de taille inégale et que ce qui va s'échanger, ce qui va circuler d'une planète à l'autre, ça va être commandé par les différences de population qui sont comprises comme une approximation des différences d'opportunité, que de l'ampleur et de l'importance des marchés. Et les courants sont inversement proportionnels aux populations en présence et également seront évidemment modulés par la distance. Donc, dans le modèle néoclassique en version macro, il y a des mouvements migratoires engendrés par les différences de salaire entre les différentes régions, la main-d'œuvre excédentaire ou insuffisamment qualifiée, tente à migrer vers les régions fortement capitalisées qui souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre. Et les écarts qui persistent après ce mouvement de rééquilibrage, eh bien, s'expliquent par les coûts de transport et les coûts psychologiques. Et dans la version micro du modèle néoclassique, au fond, c'est la même chose, mais sauf qu'on va expliquer que la migration est le résultat d'un choix. C'est une ressource rare, il y a des choix à faire, et la migration est le résultat d'un choix qui va être effectué par des individus rationnels à partir d'un calcul coût-bénéfice. Les personnes se décident à migrer si les gains escomptés sont positifs. Alors, il s'agit bien sûr de gains nets, puisque les intéressés prennent soin de défalquer tous les coûts, les multiples coûts de la migration. Il y a le coût du voyage, il y a le coût du manque à gagner pendant que vous prospectez pour trouver un emploi et un logement et que vous ne travaillez pas comme vous le faisiez auparavant dans votre exploitation, par exemple. Il y a le coût d'apprentissage de la langue. Les auteurs, très tôt, dans les années 60, mentionnent le coût d'apprentissage des codes culturels, quelque chose qui apparaît très tôt dans la littérature. Et aussi le coût psychologique impliqué par la rupture des attaches familiales, des attaches amicales, etc. Et donc, le rendement net de la migration va varier aussi, donc varier en fonction de tous ces paramètres, mais il va également varier en fonction du taux d'escompte, c'est-à-dire de l'horizon temporel que se fixe le migrant. Est-ce qu'il attend un rendement immédiat ou un rendement à terme, à la limite? Est-ce qu'il se sacrifie pour que ce soit ses enfants qui profitent des gains de la migration? En réalité, nous avons tous, c'est ce qu'explique la théorie économique, un horizon temporel très très variable, et c'est ce qu'on appelle la préférence pour le présent, ou au contraire la capacité à différer les rendements dans l'avenir, et donc avoir un esprit de sacrifice dans la longue durée. Donc, cette synthèse assez rapide du modèle néoclassique, dans la présentation de Masset, télescope les modèles de plusieurs auteurs qui, en fait, ont œuvré sur des décennies. Et j'en aborderai quelques-uns. Je parlerai de Schostat, un peu de Todaro, de Borjas, et je vais d'abord parler de... Alors, comment prononce-t-on ce nom? Les Américains disent Schostat, les Anglais disent Schostat, les Norvégiens disent Schostat. Donc, moi, je vais prononcer Schostat, un peu comme Shostakovich, ça va simplifier les choses. Schostat publie, c'est un chercheur américain de l'Université du Minnesota, il publie un article qui va être extrêmement cité, qui va cumuler quelque chose comme 5400 citations sur Google, ce qui est considérable, même si évidemment ça date de 1962, donc le temps a permis une certaine accumulation, mais ça veut dire que cet article est sans cesse recommandé aux étudiants, hein, parce que lorsqu'il y a de grandes citations comme ça, c'est pas nécessairement que le public est captivé, c'est qu'il est captif, hein. Les lectures recommandées par les professeurs aux étudiants, les fameux readings. Donc, Schostat a été une grande lecture de readings, c'est-à-dire de lectures recommandées aux étudiants par les professeurs. Et donc, ce texte est devenu un classique. On considère généralement qu'il marque un tournant dans la théorie des migrations. Donc, Schostat, en réalité, n'évoque pas les migrations internationales, mais l'exode rural et les migrations entre les États fédérés des États-Unis. Et ça, ça va être quelque chose qu'on va retrouver très souvent, c'est que la théorie de la migration américaine, elle est très, très influencée par, évidemment, l'étude de la circulation, de la mobilité entre les États-Unis, ce qui, évidemment, explique aussi en partie que l'État, au sens européen du terme, l'État westphalien, soit pas une préoccupation absolument centrale pour les chercheurs américains qui ont déjà à proximité tous les mouvements qu'ils peuvent observer à l'intérieur de leur énorme planète, dont il n'est pas nécessaire qu'ils sortent pour avoir une idée de la diversité du monde. Donc, il évoque ces migrations, qu'on dirait internes, d'un point de vue européen, et contrairement à ce qu'on lit presque systématiquement dans les manuels ou dans les présentations didactiques, le modèle de Schostat ne s'inscrit pas encore dans la théorie du capital humain. L'expression est absente de l'article. Vous trouverez régulièrement Schostat, théorie du capital humain. Non, il n'utilise jamais l'expression. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille sur des données agrégées, mais pas au niveau micro. Il travaille sur des données agrégées, tirées des recensements. Et il présente son modèle de façon littéraire, comme disent les économistes, c'est-à-dire sans faire d'équations. Quelques petites équations, mais vraiment au passage. La perspective générale, c'est celle de la migration comme facteur de rééquilibrage des différences géographiques, des salaires et des niveaux de vie. À quoi Schostat ajoute le fait qu'une minorité de migrants, comme par exemple les agriculteurs partant pour la ville, peuvent en profiter pour accroître leur qualification et leur productivité. Donc l'idée apparaît, et ça c'est une idée qui va être présente dans la théorie du capital humain, c'est que la migration est elle-même un investissement, que la migration va permettre elle-même d'améliorer ses compétences et donc aussi sa productivité. Ça, c'est une préoccupation importante chez Schostat, parce que Schostat constate qu'il y a beaucoup de flux migratoires entre les différents États des États-Unis, mais que, par exemple, le Mississippi, qui se trouve au bas de l'échelle de la productivité, ne tire pas parti des migrations pour améliorer son rang dans le classement. Il explique qu'il ne faut pas étudier uniquement la migration nette, les différences entre entrée et sortie, qu'il faut étudier chaque flux d'entrée et chaque flux de sortie séparément, et en regardant bien quelles sont les qualifications des personnes, comment se distribuent les qualifications des migrants. Donc c'est par là que Schostat innove, dans l'idée que pour bien étudier les flux migratoires, il faut regarder les niveaux d'éducation, d'instruction des personnes, et puis ce que deviennent ces niveaux d'instruction du fait de la migration. Et donc, la migration est un investissement, mais encore au sens où elle assure l'allocation optimale des ressources humaines entre des aires éloignées. Et là, évidemment, on n'est pas très loin du modèle d'Adam Smith que j'avais évoqué dans ma leçon inaugurale. Alors, il propose de mesurer dans de futures enquêtes les coûts et bénéfices de la migration pour l'individu en termes d'espérance de gain, mais il ne parle pas encore d'investir dans le capital humain. Sa vision, c'est vraiment celle d'Adam Smith, c'est-à-dire celle d'un gouvernant qui peut miser sur la migration pour réduire les différences de salaire entre les régions. Au fond, c'est un peu ça l'optique. Alors, le constat dont il part, c'est que la mobilité résidentielle, qui est très importante au sein des États-Unis à cette époque-là, elle est très très importante. Elle est, en gros, la mobilité, enfin, les déménagements, la fréquence des déménagements, la mobilité résidentielle aux États-Unis, c'est deux fois ce qui se passe en Europe. Ça a eu tendance à baisser récemment, mais enfin, en gros, les Américains déménagent deux fois plus que les Européens. Simplement, quand on prend le critère du changement de domicile, simplement. Mais ça ne s'accompagne pas, ce vaste remuement de ménages et de personnes, ne s'accompagne pas du rééquilibrage attendu dans les niveaux de vie, il en cherche les raisons, et elles tiennent, selon lui, au fait que les coûts privés et collectifs de la migration sont largement sous-estimés. Et donc, il va passer en revue les différents coûts de la migration, y compris les coûts psychiques, dont il parle beaucoup, y compris aussi, et ça c'est une innovation importante, la valeur que les gens attachent aux équipements collectifs, la valeur qu'ils attachent aussi au climat, qui sont évidemment à l'intérieur des États-Unis un facteur qui s'impose assez évidemment comme une raison de migrer. Et aujourd'hui, évidemment, ce sont ces passages qui retiennent l'attention dans le grand article de Schostat. Donc l'article a eu aussi du succès parce qu'à mesure que les années progressaient, il y avait de nouvelles raisons. C'est un article assez long, assez fouillé, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc les raisons d'apprécier l'article évoluaient aussi à mesure que passaient les années. Et Schostat aussi fait une réflexion intéressante. On ne peut pas exclure que les migrants soient dotés d'un système de préférence, il utilise le mot « taste », le mot « goût », consistant à valoriser davantage le contact avec un nouvel environnement qu'avec les proches. Il dit au fond l'idée qu'il y a un coût psychique à se séparer de sa famille, de ses proches, etc. C'est pas si évident que ça. On peut très bien penser qu'il y a des gens qui veulent s'émanciper du réseau familial initial, et que ce qu'ils cherchent, c'est justement d'avoir de nouveaux contacts, de ne pas se retrouver toujours prisonnier des mêmes attaches. Ça, c'est une idée, je trouve, très intéressante, qui a été aussi très sous-estimée. Dans la théorie du capital social, telle qu'elle va être développée par Douglas Mincey, il y a au contraire une lourde insistance sur le fait que les liens familiaux développent les capacités de migrer et de s'insérer. Mais il y a quand même un autre courant qui est préfiguré par Schostat et qui explique qu'en réalité, les liens sociaux peuvent vous enfermer au lieu de vous libérer. Mais enfin, dans Schostat, c'est une indication fugitive sur de possibles migrations d'émancipation. Et une dernière remarque sur cet auteur, il souligne dans plusieurs passages que son modèle manque de réalisme, puisqu'il suppose un marché parfait et une information parfaite des migrants sur les opportunités d'emploi. Ce modèle n'est à ses yeux qu'un modèle, il le dit ouvertement, et l'objectif qu'il annonce, ce serait de mesurer dans des enquêtes futures en quoi la réalité d'immigration s'écarte de ce modèle et pour quelles raisons. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'il y a des critiques extraordinairement faciles du modèle néoclassique. Vous vous rendez compte, on atomise les gens, on ne voit que des individus, ils sont rationnels, ça postule une information parfaite, etc. Mais si vous lisez attentivement ces auteurs, ils sont parfaitement conscients de ces limites, et très souvent, ils en parlent eux-mêmes. Simplement, leur modèle est une simplification, et il y a un gain à avoir un modèle simple qui n'est pas nécessairement compensé par la complication que d'autres peuvent faire sur le même modèle. Alors, 2 ans après Schoenstatt, en 1964, un personnage considérable va faire son apparition, va commencer à s'affirmer, c'est Gary Becker, qui est alors professeur d'économie à Columbia, en fait c'est avant de rejoindre Chicago. Columbia va être l'université où les premiers théoriciens du capital humain, mais aussi de l'allocation du temps, etc., enfin, je vais vous en parler, s'étaient retrouvés à former un groupe. Becker va rejoindre Chicago en 1970, et il recevra le prix Nobel d'économie en 1992. Il publie Human Capital, alors ça c'est la version première, publiée par le NBER, le National Bureau of Research, Economic Research. Et c'est encore l'époque où un économiste frappe un coup d'éclat en écrivant un livre et pas simplement des articles. Il a écrit beaucoup d'articles qui ont été très cités, mais dans la carrière de Becker, c'est le livre Human Capital qui vraiment lance le personnage. C'est un livre fondateur qui va inaugurer ce qu'il appelle lui-même l'impérialisme économique, c'est-à-dire la capacité des économistes à modéliser des comportements qui étaient traditionnellement perçus comme étrangers à l'économie. Il avait commencé sa carrière par faire l'économie du crime, l'économie de la délinquance. C'était déjà un coup d'éclat assez étonnant. Est-ce que, au fond, c'est un peu l'idée, à partir du moment où j'ai plus intérêt à enfreindre la loi qu'à la respecter, j'y vais. Enfin voilà, il y a un gain à la transgression. Et c'est, vous voyez, le genre de théorie. Enfin, ce qui est encore assez sommaire, mais il va développer tout ceci. Et donc, la capacité des économistes à modéliser des comportements qui sont étrangers, a priori, à l'économie, parce que, traditionnellement, traités par le droit, par la sociologie, par l'anthropologie, etc. Et c'est un problème que nous avons toujours. Je dis « nous, les sociologues », parce que je me sens très sociologue de ce point de vue-là, je ne suis pas économiste, même si je lis beaucoup les économistes. Mais c'est vrai que la capacité fabuleuse des économistes à traiter les sujets sociologiques est quand même extrêmement ennuyeuse. Je prends un exemple, la sociologie des prénoms, qui a été abordée en France par Philippe Bénard et ensuite Guy Desplanque, eh bien, aux États-Unis, ce sont les économistes qui traitent la question de savoir est-ce que les prénoms sont liés, associés ou pas à une certaine réussite scolaire, pourquoi les parents s'obstinent-ils à donner à leurs enfants des prénoms qui vont les stigmatiser pendant le reste de leur carrière, etc. C'est les économistes qui traitent ces questions-là, alors que chez nous, c'est les sociologues. Hein, donc, mais voilà. Donc, la chaire qu'occupera ensuite Becker à Chicago, et ça, c'est assez intéressant, sera d'ailleurs, il va occuper à Chicago une chaire qui était à la fois une chaire d'économie et de sociologie. Et il aimait à dire, alors je ne l'ai pas croisé qu'une seule fois en 90, mais j'ai travaillé en Espagne pendant plusieurs années avec une de ses étudiantes directes, Michel Ribou, dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui m'a rapporté pas mal de choses, et lui aimait, paraît-il, dire que l'économie devait être au service de la sociologie. Gary Becker, prix Nobel d'économie. C'est un propos évidemment à double entente, hein, parce qu'on peut très bien y lire le désir de renforcer la sociologie par l'emploi de méthodes économiques que la volonté de dissoudre la sociologie dans l'économie. Alors, je ne vais pas trancher le débat ici. Pour les 3 économistes qui ont contribué à échafauder la théorie du capital humain, à savoir Theodor Schultz, qui s'est intéressé à la façon dont l'agriculture pouvait considérablement augmenter sa productivité grâce à des investissements en formation, pas simplement des investissements en capital physique ou en engrais, etc. Jacob Mintzer, qui est le premier grand économiste de la famille, je vous reparlerai, et Gary Becker. Donc pour ces 3 personnages, Theodor Schultz, Jacob Mintzer et Gary Becker, qui sont retrouvés à Chicago, le capital humain, ce qu'ils vont appeler le capital humain, ce n'est pas une simple ressource humaine, comme c'est encore le cas pour Schoenstatt. C'est une compétence qui est incorporée à l'individu, qui n'est pas détachable de son corps ou de son cerveau. Par exemple, vous savez une langue étrangère, cette compétence, elle meurt avec vous. Il est impossible de céder votre capital humain à autrui par un contrat, par un transfert quelconque. On peut, certes, en naissant, recevoir une dotation initiale de capital humain, c'est une donnée qui a été très controversée, mais à laquelle Becker tenait, par exemple une belle voix ou un physique avantageux, mais la valeur de cette dotation initiale va dépendre quand même du marché qui va reconnaître sa valeur, et elle va dépendre aussi des investissements d'entretien que vous allez lui faire. Il faut entretenir sa belle voix pour que, voilà. Je lisais l'autre jour les voix les plus hautes du monde. Mado Robin est la voix la plus haute du monde. Il y a également une Autrichienne. On a en fait plein d'autres exemples de femmes qui étaient capables de chanter plus haut encore que Mado Robin, avec des contre-contre-contrutes. Mais enfin, elle est la seule qui a fait carrière avec son contre-contrute, et elle a entretenu ça. Et donc, la dotation initiale à capital humain, c'est bien joli, mais il faut l'entretenir. Et Becker prenait l'exemple de la belle voix, c'est pour ça que je le reprends à mon tour. Ce cas de figure donc mis à part, le capital humain pour Becker, c'est le résultat d'un investissement qui requiert du temps, qui nécessite un entretien soutenu. Alors, il peut s'acquérir par apprentissage dans une institution spécialisée, il peut aussi s'apprendre par expérience sur le tas, on the job training, et prendre des formes multiples. Et dès les premières pages de Human Capital, les 10 premières pages, Becker cite comme exemple de capital humain, je cite, l'éducation en milieu scolaire, schooling, la formation sur le tas, on the job training, les soins de santé, la migration, et la recherche d'informations sur les prix et les revenus. Donc, améliorer ces informations, ça fait partie aussi du capital humain. Donc, je répète, l'éducation en milieu scolaire, la formation sur le tas, les soins de santé, la migration, la recherche d'informations sur les prix et les revenus. Donc, s'instruire, se soigner, s'informer sont des investissements en capital humain, mais migrer également, car migrer, c'est se mettre en quête d'un nouveau marché où l'on pourra développer ses compétences, où on pourra placer, si vous voulez, ces atouts, leur donner un meilleur rendement et en même temps les accroître. Alors, je vous signale que, vous le savez peut-être, que donc Michel Foucault, dans un cours qu'il a professé en mars, le 14 mars 1979, c'est repris dans la série des cours intitulée « Naissance de la biopolitique », c'est un titre qui n'a rien à voir avec le contenu, mais enfin, peu importe, il n'y a pas du tout de biologie dans cette histoire, mais dans ce cours du 14 mars 1979, Michel Foucault, c'est très tôt en 1979, fait une présentation de la théorie du capital humain. Et dans ces cours que je vous invite à lire, parce que contrairement aux mots et aux choses, par exemple, qui ont une préciosité de style qui nous paraît aujourd'hui presque insupportable, dans les cours, Foucault avait un sens extraordinaire de la pédagogie et pratiquait la répétition pédagogique, ce qui facilite quand même la compréhension. Et il expose la théorie du capital humain avec la capacité à entrer dans les pensées d'autrui, à en montrer la cohérence. Et qu'est-ce qu'il utilise comme source ? Ben, ça, ce sont les éditeurs du cours qui nous l'ont appris. Il utilise essentiellement le livre de mon ami Michel Ribout, « Accumulation du capital humain », qui était un peu un pied de nez à la théorie marxiste. « Accumulation du capital humain », c'était une thèse que Michel Ribout, qui avait été étudiante de Gary Becker et de Jacob Minsner à Chicago pendant 3-4 ans, avait rédigé à partir de l'enquête formation qualification professionnelle de l'INSEE. C'était une enquête, une étude sur la façon dont les femmes amélioraient leur niveau d'instruction ou au contraire misaient plutôt sur la fécondité, sur les enfants et finalement arbitraient en quelque sorte leur temps ou leur carrière entre la famille et le travail. Et Michel Ribout, avec les instruments théoriques du capital humain et toute sa maîtrise de la statistique et de l'économétrie, il était maître de conférence, mais n'avait pas réussi à s'insérer dans le système universitaire français, et finalement il a fait carrière à la Banque mondiale. Mais enfin, on s'est retrouvés tous les deux, pendant plusieurs années, à mener une enquête sur le travail des femmes en Andalousie, puisque c'était notre lieu d'opération, et ça a été la première enquête de ma vie. Donc Foucault utilise « Accumulation et capital humain » de Michel Ribout. Et évidemment, à l'époque, qui parlait de capital ? Ben, c'était Bourdieu. Capital économique, capital culturel. Et j'avais à l'époque, pour mon usage, pour essayer de comprendre un petit peu comment tout ça s'articulait, rédigé un long mémoire, heureusement resté inédit, sur l'articulation entre la théorie du capital chez Bourdieu et la théorie du capital chez Becker. C'était en 1976. Voilà. Donc Becker ne donne pas une place, ne fait pas une place centrale dans son essai 1964 à la migration, mais il cite régulièrement la migration comme une forme majeure d'investissement en capital humain. Par exemple, il estime que la migration est corrélée positivement avec le niveau d'éducation et il explique que ce ne sont pas les moins instruits qui migrent le plus. Et ça, ça a été confirmé, évidemment, ultérieurement. Il explique que la migration est plus accessible aux jeunes adultes, mais que cet investissement se heurte également à des problèmes de reconnaissance et d'homologation dans la société de destination. Alors ça, c'est quand même étonnant que dès 1964, un auteur dise « le capital humain n'est pas toujours transportable ». Becker explique qu'il y a un problème de transportabilité du capital humain parce que, entre la société de départ et la société de destination, il y a des problèmes de reconnaissance, d'homologation. Et c'est toujours un problème aujourd'hui. Vous pensez aux médecins étrangers qui sont sous-utilisés parce que on ne reconnaît pas leur diplôme et à qui on permet d'accéder de façon très aléatoire tous les 5-6 ans parce qu'ils exercent une pression du tonnerre, la possibilité de passer un examen pour que leur diplôme soit enfin reconnu. Donc Becker identifie déjà ce problème de la transportabilité très inégale, très imparfaite du capital humain. Et le premier gouvernement qui va vraiment s'atteler à ce problème, la reconnaissance des diplômes étrangers, c'est le Canada qui lui va vraiment mener une action concertée sur ce sujet. Alors, un même capital humain peut donc, selon les destinations, obtenir un rendement supérieur à celui qui s'observe au pays d'origine, égal ou inférieur. Et c'est précisément là une information très importante à collecter par le candidat à l'émigration, d'estimer si son capital humain, ses ressources, sa force de travail, ses compétences, son paquet de connaissances linguistiques, etc., sera reconnu ou pas, aura une valeur reconnue sur le marché du pays de destination. Donc vous voyez qu'on reproche un peu mécaniquement aux économistes néoclassiques de postuler la détention par les individus d'une information parfaite sur l'état du marché, que ce soit sur le marché du logement, sur le marché de l'emploi, au pays de destination. Mais j'ai l'impression, j'ai vraiment le sentiment que cette critique rituelle est fortement datée. Et si on les lit bien, les économistes néoclassiques n'ignorent pas que l'information détenue par les migrants sur les opportunités d'emploi et de logement est une information imparfaite. Et la preuve, c'est qu'elle a un coût, cette information. Et une des façons de traiter la question, c'est d'introduire dans la théorie de la migration les notions d'incertitude et de risque. La migration, c'est une opération hautement risquée. Et les migrants vont développer des stratégies pour réduire l'incertitude et pour alléger aussi le coût de l'information. Et longtemps, le coût principal de l'immigration fut le transport, qui était particulièrement élevé par la voie des mers ou par la voie des airs. Ensuite, les coûts du transport, évidemment, se sont fortement réduits, et c'est le coût de l'information qui est devenu décisif. Et de nos jours, c'est une phase nouvelle du cycle, les nouvelles technologies, évidemment, contribuent à réduire considérablement le coût de l'information. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le démographe sociologue François Héran, sa série « Pourquoi migrer ?». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Il a publié à la découverte en 2017 l'essai intitulé « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard. Iconographie et site web Claire Signon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre interrogation des théories de la migration en compagnie de François Héran, notamment du point de vue des économistes. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.